Au retour des vacances, sur la peau toute bronzée, peut-être une dernière chance, en haut de la colline. La tension est flottante, sur les trois belles îles, quand on passait la langue, le long de ce glossaire. L'arrêt était marqué sur chaque vocabulaire. Iranienne volupté, étonnant caractère. Comment ces délicieuses lignes, je sais bien d'avance où elles se terminent. Sais-tu où ça commence, ces délicieuses lignes? Car je sais bien d'avance où elles se terminent. Il fallut quitter Franck en bas de la colline, dans ce charnel manque, la tendresse est en crise, dont les fortes conséquences désagrègent les baisers, l'investissement intense, la décision est prise. Se transforme le désir impérieux érotique du corps professionnel en finesse didactique. Comment ces délicieuses lignes, je sais bien d'avance où elles se terminent. Ces délicieuses lignes, je sais bien d'avance où elles se terminent. L'urgence est quitter la colline, soigner l'apparence sur les terres d'origine.